Radiomatic. Ce qui introduisait cette transmission 094 d'Audiomatic était la pièce Semaragne, composée à l'origine par la DJ péruvienne Chuchupé et remixée ici par le projet Tribeline Sound. Cette pièce se trouve sur le mini-album de Chuchupé intitulé Indo Cumbia Remixes. Les électronistes, c'est ce qui nous définit. C'est ce qui nous définit particulièrement dans cet espace radiophonique. En fait, les électronistes, c'est ce qui définit une intention. Une intention d'anonymité. À Audiomatic, les électronistes n'ont d'humain que leur voix. Sinon, ils n'ont aucune personnalité. Pourtant, nous portons en nous une humanité entière. Des envies, des désirs, des doutes, des remords, des deuils, des ruptures, des rêves, des déceptions, des angoisses, des réussites, des blessures, des mensonges, des compassions, des attentions, des secrets, des évidences, des ennuis, des projets, des certitudes, des craintes, des innocences, des amertumes, des tendresses, des colères, des douceurs, des anxiétés, des silences et des musiques. Derrière les électronistes, il y a une humanité entière. Les électronistes, c'est une intention. Une intention de ne pas avoir à parler de nous. Lorsque nous nous définissons en tant qu'électronistes sur les ondes, nous nous réduisons, à notre voix et à ces musiques qui, lorsque nous les écoutons, font rejaillir toute notre humanité, qui ont en quelque sorte forgé cette humanité. Mais à Audiomatique, nous la gardons anonyme, cette humanité, car nous sommes les électronistes. Mais nous vous offrons tout le reste, c'est-à-dire la musique. We'll be right back. Thank you. complétions cette séquence musicale à Audiomatique avec le groupe anglais Foria et la très belle chanson Loss tirée de leur premier album Volition, dont la parution avait été précédée par la sortie de 3 mini-albums en 2010, 2013 et 2014. Précédemment à Foria, nous avons pu entendre une de leurs compatriotes en la personne de Natasha Khan, qui est mieux connue sous le pseudonyme de Bat for Lashes. De son quatrième et plus récent album intitulé The Bride, nous entendions la pièce Sunday Love. L'album The Bride est un album concept qui raconte l'histoire d'une jeune femme dont le fiancé meurt dans un accident de voiture en se rendant à l'église le jour de leur mariage. Et c'est à Victor Love que revenait la responsabilité de débuter ce bloc avec la chanson Irrationality, sur laquelle on peut entendre la voix du chanteur Simone Salvatori du groupe italien Spiritual Front. Cette composition est parue sur le premier album solo de Victor Love, Technomancy, qui œuvre habituellement au sein de la formation Dope Stars Incorporated. Toujours à Audiomatique, en compagnie des électronistes, laissons maintenant les ondes radiophoniques à l'artiste Eduardo Zambrano. Thank you. Después la forma humana desplegó sobre el mundo la universal bandera del músculo y la lágrima, y creció la blasfemia sobre la vieja tierra, y el azafrán, y el tilo, y la copla, y la plegaria. Entonces vine a América para nacer en hombre, y en mí junté la pampa, la selva y la montaña. Si un abuelo llanero galopó hasta mi cuna, otro me dijo historias en su flauta de caña. Yo no estudio las cosas ni pretendo entenderlas. Las reconozco, es cierto, pues antes viví en ellas. Converso con las hojas en el medio de los montes y me dan sus mensajes las raíces secretas. Y así voy por el mundo sin edad ni destino, al amparo de un cosmos que camina conmigo. Amo la luz, y el río, y el silencio, y la estrella. Y florezco en guitarras, porque fui la madera. Tout juste avant la fracture publicitaire, nous entendions la formation Paloma del Cerro et une version de sa pièce Tiempo del Hombre, remaniée par le projet Grad Morel. C'est sur l'album Parabien Remixes de Paloma del Cerro que vous pouvez trouver cette version ainsi que plusieurs autres de l'album Parabien remixés par différents artistes. Avant cela, c'était le projet homonyme de Kevin Key dont nous entendions la composition Full Circle tirée de l'album Music for Cats paru en 1998. Deux artistes invités agrémentaient cette pièce, à savoir John West à la flûte ainsi qu'Ashok Sarkar pour les chants et la voix. Soulignons au passage que Kevin Key est un artiste marquant de la scène électro-canadienne, notamment grâce à sa participation aux formations Skinny Poppy et Download. Et nous entamions la séquence musicale de trois pièces sur la musique de l'artiste équatorien Eduardo Zambrano. De son tout nouvel album intitulé Ritual, nous écoutions la pièce Mujer de Luna. Elles étaient en spectacle à la Sala Rossa à Montréal le 21 juillet dernier dans le cadre du festival Montréal Electronic Groove, ou si vous préférez, le MEG, et j'ai nommé les membres du duo français Mansfield Tia. Je n'ai pas d'état d'âme, je vis dans le palais noir. Enfermé depuis la nuit des temps dans un épais brouillard. Cette ombre qui m'attend en forme de loup blanc. et le serveur du palais où mes jours je finirai. We'll be right back. À Audiomatique, il s'agissait du duo russe Follow the Flower et la chanson D de leur premier album, très justement intitulé First. Tout juste avant Follow the Flower, nous présentions le duo anglais Played, formé de Andy Turner et Ed Handley, qui nous offrait leur composition Mellifer de leur excellent album The Digging Remedy, lancé le 10 juin dernier. Et pour amorcer ce segment musical, nous avions droit au duo français Mansfield et Tia, composé de Julia Lanoé et Carla Pallone, qui nous interprétaient la chanson Palais Noir, qui ne représente peut-être pas l'atmosphère de leur plus récent album Corpo Inferno, duquel est tirée cette pièce, un album par moments cold wave, acoustique, intimiste, parfois hypnotique, clair-obscur, où la poésie côtoie des teintes d'humour, mélodie introspective traversée par les partitions de violon de Carla Pallone, bref, à découvrir si ce n'est pas déjà fait. Mentionnons que si vous désirez approfondir leur univers musical, vous voudrez peut-être explorer du côté du duo électroclash Sexy Sushi, formé de David Grelier et Julia Lanoé, respectivement rebaptisés Mitch Silver et Rebecca Warrior. C'est sur la musique de la formation Liquid Divine que les électronistes quitteront les ondes radiophoniques pour les 7 prochains jours. La pièce que nous entendrons, soit One Day of May 99, se trouve sur le dernier album de Liquid Divine sorti en 2009. Une chose est sûre, c'est que cette transmission 094 tire à sa fin, et une autre chose est encore plus sûre, c'est que les électronistes reprendront le micro sur les ondes de C'est fou le 3 août prochain à compter de 17h pour animer la transmission 095 d'Audiomatique. Pour vous faire patienter jusqu'à cette date ultime, nous vous proposons de consulter notre profil facebook.com/audiomatique-cfou où vous trouverez tous les liens inhérents à l'écoute de chacune des émissions audiomatiques diffusées depuis le début. Voici donc Liquid Divine et la pièce One Day of May 99. Bonne écoute et à mercredi prochain! wrote a letter to his mom. An owl wrote a better song. And the ceiling lights awoke to read these lines, to see her gone. Lâche-le, souhaite.